En garde, ne joue pas ça avec moi. Le fait de te voir danser en train de me regarder me donne envie de me lever, de venir t'embrasser. Et là je me lève, j'avance vers toi. Je gère tes lèvres en m'approchant de toi. T'es à mon cou, ne me lâche pas. À tous les coups, j'ai tombé ce charme. Moi je vais te faire danser jusqu'au bout de la nuit. Après je vais t'enlacer, tu iras dans mon lit. Mais je suis trop foncé, je te lâche et je m'en vais. Tu vas me chercher, un petit verre à tiser. Et je te vois au loin en train de bouger. Et non, je te rejoins, je t'ai pas oublié. Vas-y danse, danse, danse, chérie. Tout le monde est en train, en train. Cœur est blessé, j'ai les pansements. Franchement, ton déhanchement me fait bêter. En plus, tu bouges dans ton body sur de la fin, ça fait kiffer. Continue à danser, continue comme tu le fais. Tu sors ta pompe de plaie et tu bouges comme il faut. Les yeux rivés sur toi, tous les mecs sont rivaux. Tu seras dans ce juste, tu seras au top niveau. Soir, dans la boîte, est la plus belle des go. Tous les gâteurs jarres, disons tous les pros. J'avoue, c'est normal, t'as l'air d'un mannequin. Y'aurait un concours de beauté, t'empocherais tous les airs. Tu ressembles à Christina, tu danses comme Shakira. Tu fais tourner la tête, pourtant je prends pas l'extra. Avec ton décolleté, tu mets hors de moi. Je sais que si tu m'excites, je voudrais danser avec toi. Bouge, tu bouges, bébé. Comment elle bouge, je te jure que t'as du goût. Je vois bien Raides, qu'elle me rend ouf sexy. Avec son rouge, je suis sûr qu'elle vaut le coup. T'as raison mec, fonce, ne t'attarde pas. Moi j'ai ma diva qui m'attend là-bas. Celle qui tend la sette, alors relève-toi. Je suis sûr qu'elle t'a lancé, t'as l'air honnête toi. Tu me connais Omi, la tchatche que je lui ai mise. Je te jure, je lui ai dit, c'est toi qui m'a promise. Ça rassure sur ce, faut pas que je m'éternise. Faut pas que je fasse de faux pas, faut que je l'hypnotise. T'as vu tous les gars qui sont la langue pendue. Va falloir que j'y aille avant qu'elle soit perdue. Je pars de suite, je danse avec elle, j'assure. Elle va finir avec moi et ça j'en suis sûr. T'inquiète, qui est sûr, c'est qu'on va pas rentrer seul. En rentrant dans la rue, on va pas foutre le seul. J'avoue, elle veut bien venir en after chez nous. Espérons qu'elle ne nous cache rien de chelou. Une fois arrivé, remettez-vous à danser. On a pouvoir bouger, vous pouvez vous lâcher. Vas-y, danse, danse, danse.